Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Pierre-Alexandre Bédard. Donc, le golfeur de Chibougamau était en action hier. Et dans le cas de Pierre-Alexandre Bédard, ben, il a joué quand même. Il a terminé au 13e rang là, lors d'un tournoi du circuit Pro Tour qui se déroulait dans le coin de Montréal. Donc, le golfeur de Chibougamau a une carte de plus 1 et a joué 73. Il y a un autre golfeur du secteur, Lucas Dupéré de Tolbeau-Mistassini, qui a joué une carte de plus 5, ce qui lui a donné le 47e rang. Au hockey, maintenant, les Sabres de Roberval de la Ligue junior régionale vont débuter leur saison en fin de semaine contre les Marquis de Jonquière. Hier, dans la section entrevue de tanadesport.com, on a parlé à Patrice Gagnon, l'instructeur chef des Sabres, et il se dit content de l'allure du camp d'entraînement. À la saison, oui, on est content. On a eu un bon camp d'entraînement. OK. Puis, écoute, nous autres, on a 33 joueurs là, qui sont venus au camp d'entraînement. Ça fait que on est content. Patrice Gagnon mentionne dans un deuxième temps qu'il y a eu 35 joueurs au camp d'entraînement. Par contre, ils ne pourront pas tous demeurer avec l'équipe. Explique que l'instructeur chef des Sabres de Roberval. Nous, il faut respecter une liste 25. Là, puis, ça fait que c'est ça, mais tu sais, oui, il va y avoir des joueurs affiliés, mais des fois, sur la liste 25, il faut que tu places des gars qui se sont pas présentés au camp d'entraînement parce que tu veux pas non plus les perdre au profit d'autres équipes. Fait que à un moment donné, c'est pas long, tu te ramasses avec 2-3 gars sur cette liste-là. Puis, c'est ça, là. Non, c'est faux. Toujours au hockey hier, le match qui devait opposer les Saguenay de Chicoutimi au Drakkar de Baie-Comeau a été annulé en raison d'une fuite d'eau qui se déroulait au Centre Georges Vézina. Donc, devant l'incapacité également de garantir de l'eau potable, on a décidé de remettre le match au 5 décembre. Maintenant, les incidents qui sont survenus en fin de semaine entre les Marquis de Jonquin et Trois-Rivières a laissé des traces aux Marquis. Les Marquis qui vont affronter en fin de semaine Sorel dans le cadre d'un programme double seront privés, entre autres, du défenseur Hubert Poulin qui a été suspendu pour 5 rencontres, Steven Ogilvie pour 4 parties et de même que l'instructeur-chef Benoît Graton pour une rencontre. Et les Huskies de Rouyn-Noranda hier ont gagné 4-2 contre les Foreurs de Val-d'Or dans le match de la bataille de l'autoroute 117. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé plusieurs bonnes entrevues. D'abord avec Bertrand Raymond, où on revient sur ses 50 ans de carrière. On sait qu'il a lancé une autobiographie où il parle de sa carrière. Également, Stéphane Lebeau vient nous parler du Canadien de Montréal. Vous pouvez également écouter la chronique des Sabres de Roberval avec Patrice Gagnon. Martial Bouchard vient nous parler du club de golf de Saint-Prime. Sport local et régional à danadosport.com. On s'en occupe.